gens qui leur font des tours leurs enfants. Ce sont ces putains de sourates qui font des rages de cerveau en masse. Les hommes ne réfléchissent plus, ils se laissent faire et laissent envahir leur terre. En vous voulant réajuster, il est temps que vous nous rejoigniez. En vous voulant combattre le côté et retrouver honneur et fierté. Honneur et fierté. La patrie, grâce à nous vous retrouverez un pays libéré de tous ses esclaves et de tous ses déchets. Cela c'est assez notable, je pense à vos commandes instables. Avez-vous oublié tous les principes et traditions? Avec tout ce que nous pouvons, nous régnerons. En ne voulant rien ajouter, il est temps que vous nous rejoigniez. En ne voulant combattre à nos côtés et retrouver honneur et fierté. Honneur et fierté. Alors pour la survie de notre race, réfléchissez.